Salut Charline. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Ils sont en train de voter. Oui, et pourquoi? Ils demandent un référendum au sein de l'équipe. Eh oui, c'est la démocratie, ça madame, parfaitement. Oh là. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre d'être la vache à lait. Oui. Hein les filles? Yes. We want freedom. Mais il va se calmer, William Wallace. Mais vous votez pourquoi? On fait un Belxit, voilà. Ça veut rien dire, un Belxit. Ça veut dire qu'on n'en peut plus des Belges, d'accord? Donc on vote, c'est la démocratie madame. Ah, hein. On voudrait que vous rentriez chez vous, pas vrai les filles? Yes. Voilà, mais c'est la démocratie, vous pouvez voter aussi. Ça fait moins le malin quand le peuple se prend en main. Vive la France! Vive la France! Bien, les filles. Ah ouais, et qu'est-ce qui se passe si c'est yes? Ah, si c'est yes, bah c'est très simple. Ce soir, après l'émission, on fait une petite fête, on boit du champagne, une boisson française, entre guillemets, et puis vous rentrez chez vous, le plat pays, les moules, la bière, l'exil fiscal, tout le bordel. Allez, c'est la démocratie, c'est comme ça. Allez, les filles, dépouillement. Ah, dépouillement. Alors, premier vote, non. Ah, voilà, normal, ça c'est un vote belge, ok? Ah oui. Ah, on y vient. Ah non. Ah, le deuxième vote belge. Deux à pour. Oui, bah oui, évidemment. Allez, on continue. Suspense. Non, bah y a pas de suspense. Ça, ah, ça va. Un nom. Ah, quoi, comment ah, ça, un quoi nom? Ah, ça fait trois. Trois, mais attends, c'est un scandale. Il y a une traîtresse parmi vous. Mais calme-toi, mon vieux. Jamais je me calmerai. Ouvre le dernier. Non. Ah, 4-1. Wow, ça, c'est la démocratie, monsieur. Mais puisque c'est comme ça, je fais sécession. Vive la Franche-Comté libre. Bonjour la France Inter, bonjour les Rosbif, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui passe l'actualité au mixeur et voici les trois infos qui vont éclabousser les murs parce qu'Alex a oublié de mettre le couvercle. Une majorité d'Anglais a donc dit fuck à l'Europe et ils adressent ce message aussi à Jean-Claude Juncker. Au revoir, président. Les députés en France, cette fois, ont une fois de plus baissé leur froc devant les lobbies au point de ne pas interdire l'huile de palme, et pourtant... Je suis tellement accro au Nutella que la petite huile qu'il y a dessus, quand t'ouvre le pot pour la première fois, je la bois. Le rap rapproche les continents depuis sa chambre à Coulommiers. Un rappeur peut produire un son qui le mène à Los Angeles, bien sûr si les parents l'y autorisent. Tu rappes ? Enfin, ça existe, ça ? Mais Charlotte, tu déraisonnes ou quoi? Je rappe. On voit pas des cours de verlan ou des stages de graffiti pendant qu'on y est? Celui qui ne rappe pas grand-chose, c'est Alex Vizorek. Je confirme. Bonjour Charline. Et aujourd'hui, en ce beau vendredi, une équipe formidable, 17h20. L'intelligence de cette émission. Ah, Dieu c'est sait moi, 17h20 si... elle en a besoin. Non, c'est elle qui a besoin de l'émission pour se rappeler que c'est un combat, l'éducation permanente. Bonjour Isabelle Sorrent. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on parle? Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il faut refuser de gagner du temps. Très bien, 17h30, l'autre intelligence de cette émission. Voilà un homme qui interroge la France et comme disait Paul Claudel, une question est une réponse. Oh. Surtout quand Guillaume Meurice la pose. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et bien moi, je me suis intéressé aujourd'hui à l'enseignement de l'arabe à l'école. J'ai appelé ceux qui sont contre, hein, évidemment. Par exemple, Hervé Mariton. Il ne faut pas sinasser, il ne faut pas barguigner. Barguigner, il utilise même des mots qu'on emploie plus beaucoup. Bravo, bravo Hervé. Et 17h40, celui qui a compris le Brexit, car il peut pas en vouloir à The Clash de se désolidariser de Kyo et de Tokyo Hotel, c'est Thomas VDB, bonjour. Bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui, pour nos auditeurs qui n'ont pas le temps de lire Closer ou Voici ou Public, je vais faire une actualité spéciale Kanye West et Kim Kardashian. Très bien, on se réjouit. Et en fin d'émission, il sera là, 17h55, Frédéric Fromet. Oh oui, et si tu écoutes J'annule tout, est présent sur les réseaux sociaux, Facebook. 50 000 amis, on a 50 000 amis. On attend les 100 000. Hein, l'invité me regarde avec honte, se dit oh, s'il est content avec 50 000. Mais j'en ai 50 000 en 7 ans de carrière, donc vous êtes tellement plus haut. Alors, bravo. Ça fait plaisir. Bien sûr. On est beaucoup. Mais qui est notre invité, Charlie? Mais attendez, le référent de la République qui a accepté de présider l'émission est né sous l'Ayatollah Khomeini. Vous montez sur scène. Vous montez sur la scène du Jamel Comedy Club en 2006 quand Ségolène Royal est choisie par le Solferino Comedy Club pour la présidentielle. Vous sortez un disque de rap entre vos mains en 2013 quand entre les couches de lasagne se cache un cheval. Et vous sortez votre premier film, Nous trois ou rien, l'histoire de vos parents qui fuient l'Iran. C'est un film qui date de 2015, en même temps que la PlayStation 4. Mm-hmm. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Gérard Jugnot. Non, je suis Kayron, évidemment. Ah, c'est Kayron. J'ai mis une bonne vanne dès le début pour me détendre, pour voir le niveau. Vous êtes très gentil, cette vanne méritait même pas un sourire. Kayron est avec nous et vous allez participer à partir du 30 juin jusqu'au 3 juillet au Hamac Festival, où il y a un certain Thomas VDB d'ailleurs aussi. Vous allez jouer, alors le festival se déroule dans plusieurs lieux parisiens inédits. C'est ça. dont un lycée. Vous allez jouer dans un lycée. Exactement. À Paris, ouais. Avec une rencontre entre rap et stand-up, ouais. Que vous faites généralement. Il y aura plein de chanteurs. Il y aura les Neg Marron, il y aura Youssoupha entre autres, Sayen Soupacrou. Il y aura des humoristes dont je fais partie. C'est animé par Donnell Jacksman et il y aura par exemple, je sais pas, Farid, le comte de Bouderbala, et Redon Arjan et moi-même. Pierre-Emmanuel Barré. Le 30, t'es sûr? Ah non, pas le soir où tu es. D'accord. Pardon, je me tais. Sinon, vous laissez entre vous. Coluche. Bien sûr. Et il y aura plein d'événements comme ça et vraiment, ça va être très très cool et très bonne ambiance. Si vous ne connaissez pas les noms qu'il a cités, c'est vraiment toute la grosse génération en force de stand-uppers qui sont tous très bons et qui tentent tous. D'être complètement populaire, parce que vous avez peut-être commencé avec des publics plus il y en a des meilleurs que l'autre, hein. Mais c'est-à-dire que c'est un nouvel humour et qui devient très très populaire avec tout un public, des plus jeunes aux plus âgés. Farid cartonne avec tout le monde et vous aussi. Oui. Voilà, non, c'est pour dire ça. Mais vous avez raison de le dire, cher. Oui. Parce que sinon, on est un peu. C'est Pascal Sevran qui et cite. Et pour se démarquer de toute cette génération, on va dire. Alors, vous, il y a un mariage entre le stand-up et le rap. Dans mon spectacle? Par exemple? Non. Non. Mais c'était bien tenté. Je fais comme si c'était le cas et j'en ou alors, là, c'est ce que vous allez faire. Non, là, ça va être. Non, moi, je mélange pas les deux. Je fais de la musique et du one-man show à côté. Ouais. Mais là, ce sera un one-man show et qu'il y aura des rappeurs dont c'est le métier qui vont bien mieux le faire que moi. Mais il y a surtout beaucoup d'impro dans votre spectacle. Oui, moi, j'adore l'interaction avec le public et j'aime bien quand on passe un moment unique. Et pour ça, il faut aller chercher les gens et créer de l'instantané. Alors, est-ce que ça se travaille, l'impro? Bien sûr, vous le savez, vous êtes on n'improvise pas. Vous êtes des hommes de scène. On est au taquet. Oui, ça se travaille. En fait, l'impro, c'est comme quand tu racontes une histoire à tes potes. Une anecdote, tu l'as racontée 200 fois. Donc peut-être que la première fois, elle était moins intéressante. À la fin, tu sais exactement ce qui fonctionne, comment la raconter, comment parler de tel personnage. Donc, on tente des choses sur scène. Et quand ça marche, on le garde, on essaie de le fixer et de le ressortir pour que ça ait l'air improvisé. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez un objectif assez ambitieux, c'était de faire rire toutes les 7 secondes. C'est une légende ou c'est vraiment non, un objectif? Non, mais c'est le cas aujourd'hui, c'est même pas l'objectif, c'est que c'est le. Non, on a compté les rires. Oh, la prétention du gars. Non, mais c'est pas moi qui dis, on a compté les rires et puis il y a un journaliste qui l'a fait, qui m'a pris au mot, qui est venu, qui a noté. Et il y a un rire toutes les 7 secondes. Donc le rire, c'est aussi statistique. Mais tableau Excel. C'est là que j'en veux à l'école, parce que sincèrement, l'école m'a dégoûté des maths. Ouais. Et je pense que je suis quelqu'un de très mathématique et je vous jure que tout est mathématique dans la vie et l'humour, vous pouvez le dire, l'humour c'est mathématique, il y a une rythmique, il y a un début, il y a un milieu, une fin, il y a une construction. Et en réalité. Alex, il est pas au courant de la fin. Tout ce qui est chute, c'est pas sa spécialité, mais évidemment, l'humour, c'est très mathématique, ouais, bien sûr. Mais il faut expliquer, il y a aussi cette partie artisanat qui fait que quand vous montez pour la première fois avec une nouvelle idée, on sait pas du tout ce que ça va donner. Et c'est ce qui est génial dans l'humour, c'est que la différence avec les autres disciplines artistiques, c'est que nous, on a un jugement toutes les 7, 10, 15 secondes maximum. Donc, à chaque blague, on sait pas ce que va penser le public. Et la première fois, Alex, il a raison, la première fois qu'on joue un sketch, en vrai, on est mort de peur à l'intérieur parce qu'on peut être la personne la plus drôle de la Terre. Peut-être que ce sketch-là va être complètement nul et on attend la réaction du public. Et ça, c'est un truc qu'on partage tous. On a tous des coulées anales quand on monte sur scène pour essayer la première fois un sketch. On avait dit que c'était un secret. Est-ce que ça veut dire aussi que finalement, c'est le rire qui prime parfois sur le fond? Alors ça dépend. Il y a autant d'humoristes que d'humour. Moi, c'est vrai que sur scène, j'ai la chance de faire du cinéma et du coup, quand j'ai des choses à dire par rapport au fond, je préfère les faire dans des films. Sur scène, moi, je ne mise que sur le rythme. Je veux que les gens sortent en ayant mal au jour, en ayant beaucoup rigolé, même si c'est sur des sujets futiles et complètement inintéressants. Mais un autre humoriste peut dire non, moi, ce que je veux, c'est délivrer un message et je vais sacrifier un peu de rythme, mais je veux qu'à la fin, on sorte en réfléchissant sur des thématiques qui nous touchent ou pas. Ça, l'idéal étant de faire les deux. L'idéal. Ce que vous essayez de faire. Je vais aussi vous dire, cet après-midi, elle lit votre dossier, elle dit ah, il n'aime pas quand on fait des blagues sur l'actualité. Il va être bien reçu. Mais c'est vrai, il a raison parce que. Vous dénonce, Salou Naker. Moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment l'intemporel. C'est ce que je préfère. Et c'est vrai que j'écoute pas la radio, je regarde pas la télé. Donc, je suis pas très au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais c'est aussi par empathie parce que ça me touche beaucoup, ça me fait de la peine. Eh ben on va vous mettre au courant, donc vous inquiétez pas. Sur vous pour me faire un trapage. Kairon, il y a aussi toujours votre spectacle, 60 minutes avec Kairon au théâtre Le République, c'est toujours d'actualité. Oui, ça, ce soir, demain, après-demain. Voilà, jusqu'à la fin mort août. Voilà, c'est ça. Et puis le Hamac Festival du 30 juin au 3 juillet, exactement. Dans des lieux parisiens inédits, donc notamment dans un lycée. Il y a le toit des Galeries Lafayette exactement. Aussi. Exactement. Et alors, c'est un festival qui se dit culturellement cool et détendu, et tellement cool et détendu qu'il se termine à l'Olympia, chez Bologna. Et alors ça c'est quand même assez étonnant avec Thomas VDB hein, donc bravo VDB, c'est bien. Absolument. Allez, Kairon est avec nous jusqu'à 18h Et bon, on va faire équipe sur l'actualité. Bon, je peux vous dire, bah, on va le sortir la tête de l'eau, ce garçon. C'est adorable. On est avec une équipe de comiques sur France Inter. The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't. It's coming or going. There is fashion, there is fat. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before. Shirley Bassey, et puis cette petite touche électro, c'est Purple Heads. M'a confirmé Thomas VDP. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Kayron, que vous pouvez voir notamment au Hamac Festival jusqu'au 3 juillet. Et puis aussi dans votre spectacle 60 minutes. Oui. Hein, Kayron, et puis ça c'est jusqu'à la fin août, c'est au théâtre Le République à Paris. Est-ce qu'on pourra vous voir un petit peu en France? J'aimerais beaucoup aller faire un peu de tournée, j'attends qu'on m'invite. Ah, invitez, alors voilà, invitez Kayron. Autour de la table, Alex. Autour de la table, Isabelle Sorrente, Guillaume Meurice et Thomas VDB, et Frédéric Fromet accorde sa guitare. Et de l'information, monsieur. Oui, du fond. Bon, allez, à vous, j'ai pris le train. Vous montez le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et j'annonce un rire toutes les 6 secondes et demie. On commence par les titres. Oui, le Brexit fait évidemment la une, nous parlerons de ses conséquences. Oui, avec un gros scoop, le prochain James Bond ne sera ni noir ni une femme, mais un pro-européen. Marion Maréchal Le Pen annonce son divorce après 2 ans de mariage. Bah, tu m'étonnes, il fallait fêter le Brexit, elle a dit « moi aussi je pars ». Et il y aura des brèves. Mais évidemment, il n'y a pas de Brexit, bien évidemment. C'est fini donc, les Anglais... Et Margaret Thatcher qui n'est plus là pour voir ça, c'est beaucoup de déception. Mais quelles sont les conséquences, Alex? Déjà que le niveau moyen de la qualité de la cuisine au sein de l'Union va augmenter. Il faudra penser à virer les Allemands. Oui, aussi, alors. Et sinon... éventuellement les Polonais. Oui. Ah, je n'avais pas mis ça, vous avez rajouté. Oh, on va se calmer tout de suite. Petite impro, là. Oui. Un petit rire de gagné, bingo. Elle est de moins en moins journaliste, j'ai l'impression. Elle a bien compris le jeu. Sinon, bah... Est-ce qu'on peut poursuivre ce journal qui est à base de fonds, bien le sûr. Contenu. Brexit, est-ce que ça veut donc dire que les députés anglais à l'Europe vont avoir un emploi fictif pendant 2 ans? Oui, d'ailleurs, Rachida Dati compte créer un groupe au Parlement européen avec tous ces gens. C'est une bonne idée. Politique française, oui. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Marion Maréchal Le Pen annonce son divorce. Ah, du coup, ça veut dire que... Bah, quel divorce? Oui, oui, enfin, oui, c'est vrai, mais alors par rapport à... Enfin, oui, d'être qu'elle est divorcée. Oui, oui, enfin, par rapport au fait... Non, bah, en fait, Alex voudrait savoir si elle est dispo. Voilà, ça va pas ou quoi? Non, mais c'est pas pour moi. C'est que si je le faisais, ce serait pour la France. Hein? Si elle était avec quelqu'un comme moi... Ouais, bah, ou comme moi. Non, voilà. Mais je rêve, ça va pas ou quoi? On continue, alors on passe chez les Républicains. Les Républicains, ok, on y va. Bruno Le Maire était en meeting à l'Université Libre de Bruxelles. Oui, et il a été victime d'un attentat au yaourt. Attentat au yaourt. Oui, c'est vrai. 8 militants d'extrême gauche voulaient pacifiquement montrer qu'on ne fait pas de meeting politique dans une université. Du yaourt. Oui, enfin, le truc sans couleur, un peu mou et visqueux. Ah, sans doute une référence au programme du forum de Bruno Le Maire. On reste chez les Républicains. Oui, hier, on s'est focalisé sur l'investiture de Patrick Balkany. Mais sachez que Georges Tron a également été investi pour les législatives. Oui, et d'ailleurs, l'association Oser le féminisme a dénoncé ce choix. Ah, et pour Balkany, alors? Alors, l'association Oser l'honnêteté est sur le coup, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Sport à présent et PSG, Laurent Blanc aurait signé un accord pour son départ à 22 millions d'euros. Voilà, Serge Aurier aurait dit c'est une fiotte, mais pétez le thune quand même. Mais bref. Oui, Inde, un selfie fait 7 morts. Ah, là vous avez des précisions. Oui, j'espère. C'est un jeune homme qui s'est noyé mercredi après avoir voulu prendre un selfie dans le Gange et entraînant également la mort de 6 personnes qui ont tenté de le secourir. Oh, putain. Oui. C'est un rire, ça gagne. Je suis désolé, je donne l'info. Il y a 5 cons sur les 7 morts. Un rire tous les 7 morts. Je donne l'info. Donc, moralité, si vous voyez quelqu'un qui se tue en prenant un selfie, ne l'aidez pas. C'est de la sélection naturelle. D'accord. Alors, une petite dernière. Oui, Zurich, en Suisse, des pompiers ont constaté qu'une épaisse couche de mousse recouvrait un ruisseau local et ils ont fini par déterminer l'origine de la pollution. Il s'agissait tout simplement de bière. Ah, de l'alcool qui pollue de l'eau. Donc. Oui, mais moi, ça m'a surpris. Moi, j'avais déjà entendu l'inverse. Par exemple, dans le sud de la France, parfois, le pastis est pollué par de l'eau. Et c'est très dangereux, faites attention chez vous. Et on remercie Frédéric Fromet qui nous a aidé à écrire on toute dénonce la semaine, Frédéric bien Fromet, sûr. Donc je pense tous les jeux mieux. De mots pourris. Et on l'embrasse et il sera là tout à l'heure. Évidemment. Nous sommes avec Kéron jusqu'à 18h et on va traiter avec vous du premier sujet. Donc, comme on a compris que vous étiez très très très chaud sur l'actu. Féru. On va donc mettre l'actu dans les sereuses tout de suite. Avec ce premier sujet, eh bien, tout le monde a l'air surpris. Par ce choix, par ce Brexit. Rappelons que ça n'a pas toujours été évident de faire confiance aux Anglais. Regardez-les, écoute-le quand ils nous laissent tomber. Oh mince, j'aurais jamais cru ça d'eux. Depuis que je trouvais venir. Vous en faites pas, on va marcher tous les deux. On s'en sortira quand même, messieurs. Comme vous avez vu, hein, bah c'est ça les Anglais. Oh, ça m'étonne, ils étaient plutôt sympathiques. Je suis sympathique. Vous avez une nurse anglaise. La grande vadrouille. Alors, les Européens, tous les Européens l'ont sur les pompes quand même, le fait que le Royaume-Uni s'en aille. Même si vous ne suivez pas de très très près l'actualité, Kéron, j'imagine qu'en tant qu'Européen, c'est un désastre pour moi personnellement, à titre... Vous croyez vraiment, c'est génial. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a une petite émotion. Mais je veux dire, ça vous touche pas du tout, ce qui est possible. En fait, je me rends pas compte de ce que ça représente, qu'est-ce que ça va représenter pour tous les autres qui restent. Mm-hmm. Est-ce que c'est une soirée nulle où eux ils partent et nous on reste dedans? Ou est-ce que c'est une super soirée et eux rentrent chez eux et on doit être triste pour eux de pas rester pour la fin? Je sais pas. Et je compte sur vous pour avoir les réponses. Les réponses, c'est le truc qu'on oublie toujours de préparer. Mais le côté solidarité des pays, vous. Le projet. Mais on sait très bien que dans la réalité, cette solidarité n'existe pas et que c'est économique. Oui, je fais un peu de politique en ce moment. Ah, c'est bon. C'est parti. Là, c'était peut-être un coup de bol, mais c'est ça. C'est ça, en réalité, que l'Angleterre soit ou pas, c'est économiquement qu'il y a un problème. Tout le monde s'en fout de savoir si l'Angleterre culturellement fait partie de l'Europe ou pas. Donc, mais ça, j'ai pas la réponse. Et c'est peut-être que vous l'avez. Mais en fait, je crois que le problème, c'est que personne n'a la réponse. On entend tous les éditorialistes et personne ne sait ce qui va se passer. C'est en fait. Souvent comme ça. Ben hein oui. C'est clair. J'ai lu dans votre bio, votre papa a un rapport avec l'Union européenne assez étroit. Non, racontez-nous. Ouais. Dites-nous. Interpol. Qu'est-ce qu'il a bien pu raconter comme ça? Non, en fait, mon père, ce qu'il a fait, c'est que là, on habitait à Pierrefitte-sur-Seine. Il a un peu ramené la culture de la médiation là-bas. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand vous allez dans certaines villes, il y a écrit ville fleurie, il y a un panneau à l'entrée, et bien à Pierrefitte, il y a écrit ville médiation. Et beaucoup de gens sont devenus médiateurs, et on a une manière particulière de régler les conflits à Pierrefitte. On ne va pas directement voir le commissariat, on passe par les médiateurs. Et du coup, les partenaires de Pierrefitte sont Liverpool, Montréal, Turin, et donc des villes européennes et internationales. Et du coup, je pense que ça doit venir de là. Et l'expert européen sur les, sur les questions de violence et de médiation. Il est en train de vous regarder pour savoir ce qu'a fait son père. Ouais, c'est impressionnant. J'avais dit qu'il était expert européen dans la médiation. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que sur le sujet du Brexit, peut-être vous pouvez lui passer un coup de fil. On va l'appeler en direct. ce serait une bonne idée. Alors, le Brexit par tranche d'âge, plus les Anglais sont jeunes, plus ils ont voté pour rester. C'est-à-dire que les vieux viennent de décider de l'avenir des jeunes contre l'avenir des jeunes. Est-ce que ça inspire une réflexion ? Peut-être Isabelle Sorrent, si vous... Non, parce que ça me déprime, en fait, moi. Mmh. Ça, c'est tout. Vieux cons, quoi. Ouais, Il faut interdire les référendums aux vieux, tout simplement. Il y a une limite d'âge. Au-delà de 65 ans, faut-il voter au référendum ? On va faire un référendum dans 20 ans. Le fait que ce soit une catégorie plus âgée de votants qui votent et qui décident de l'avenir des jeunes contre leur avis. Est-ce que les jeunes pouvaient voter ? Est-ce qu'ils avaient le droit de voter ? Évidemment, bien sûr. Alors, c'est que la majorité l'a emporté, il faut accepter. L'Europe est vieillissante. Donc vous qui avez un public quand même jeune au départ, ces gens-là sur qui vous avez ma foi une influence quand ils vous écoutent parler. Ils mettent au doigt et à l'œil. Non, c'est pas vrai, c'est ça qu'ils viennent vous voir. Vous êtes ce genre de personnage référence, peut-être plein ont envie d'être vous. Qu'est-ce que vous leur transmettez comme message vis-à-vis justement de leur côté de citoyen ? Bah, en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on prétend faire de la politique ou être citoyen, le message perd de sa valeur. Mmh. Et je préfère le faire sans le dire. C'est-à-dire que si vous regardez mon spectacle et si vous regardez mon film, il y a énormément de messages. Mais en disant « attention, je vais faire de la politique maintenant », on s'embarque dans un système, on fait partie d'un système qu'on ne maîtrise plus. Et c'est pour ça que je ne dirai jamais « je fais de la politique ». Et je ne dirai jamais « voici le message, je vous conseille de faire ça ». Mais elle se traduit à travers ce que vous faites. Exactement. Et notamment votre film où vous racontez l'exil de vos parents d'Iran jusqu'en France. Ouais. Kayron est donc avec nous jusqu'à 18h. Et là, tout de suite, c'est le grand retour d'Isabelle Sorrent. Oui, Charline. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je me suis déchiré un ligament et que j'ai marché comme une tortue pendant un mois, mais j'ai eu tout le temps de remarquer la fréquence de l'argument pour vous faire gagner du temps, qui vire à l'obsession comme si gagner du temps, c'était ça, le but de la vie. Alors, imaginez par exemple, en ces veilles de vacances, que vous réserviez un billet de train ou un billet d'avion sur Internet. Pour vous faire gagner du temps, vous dit-on, vous pouvez imprimer vous-même votre billet ou votre carte d'embarquement. Sauf qu'en réalité, ça ne vous fait pas gagner du temps d'imprimer votre billet chez vous sur votre vieille imprimante pourrie avec un bourrage papier garanti. Non, ça sera le même temps qu'à la borne libre-service, sauf que ce temps, en fait, vous le dépensez maintenant au lieu de stresser le jour du voyage. Alors, si le temps est équivalent, la vraie motivation pour imprimer chez vous serait plutôt épargnez-vous le stress d'imprimer à la gare, de sortir votre carte bleue au milieu de la foule, tout ça. Ce qu'on appelle le principe de précaution qui s'applique à tout. Hein. Mais je ne crois pas que votre stress, Charline, intéresse beaucoup la SNCF. Enfin, si vous imprimez votre billet chez vous, ça réduit les dépenses de papier dans les bornes libre-service. Réduire les coûts est une chose légitime de la part d'une entreprise, mais alors pourquoi dire que c'est pour nous, que c'est pour nous faire gagner du temps ? C'est désagréable. En fait, ça fait croire à une relation adulte-adulte, à une sorte de pseudo-coopération où le passager deviendrait un partenaire, mais en réalité, c'est une infantilisation. Si on me disait, pour nous aider à réduire nos coûts, imprimez chez vous, sans rire, je dis oui tout de suite. Si on me dit, pour nous aider à réduire nos coûts et votre stress le jour du voyage, c'est limite manipulation, mais je dis oui quand même. Mais si on me dit, allez chérie, c'est pour toi, c'est vraiment pour toi, c'est pour te faire gagner du temps, ça m'énerve grave et je dis non. Alors, si vous êtes comme moi, choisissez autre option de retrait dans le menu déroulant de voyagesncf.com et prenez votre billet à la borne libre-service. Parce que refuser de gagner du temps, c'est refuser les pseudo-relations. Prenez l'exemple des fournisseurs d'électricité. Je n'ai plus entendu une voix humaine chez EDF depuis des années. Je reçois de temps en temps une news. L'autre jour, j'ai reçu une enquête de satisfaction client dans ma boîte mail à laquelle je n'ai pas su répondre. Que dire de ma relation à EDF, à part que ma connexion Internet fonctionne ? Donc, je n'ai pas répondu aussi par respect pour la personne qui va dépouiller l'enquête de satisfaction client quelque part au fin fond d'un open space quelque part et qui n'a sans doute jamais vu un client de sa vie. Je ne contribuerai pas à rendre kafkaïenne l'existence d'un inconnu. Et pour terminer très vite, je crois qu'il faut dire non à tout ce qui aseptise des relations. Alors, pas trop vite, ne nous faites pas gagner du temps. pas. Hein. Oui, non, vous êtes en train de vous emballer. On a du temps. Ok, donc ce matin, en écrivant en plus, c'est vrai, je me suis demandé si j'allais dire oui ou non au relevé de compte sans papier de ma banque, parce que vous savez tout est maintenant sur l'espace personnalisé. Et je me disais, ouais, dire non au papier, ça épargne des arbres. En même temps, ça fait plus d'un an que je n'ai pas eu de nouvelles de ma conseillère financière. Je me demandais si elle vivait encore. Alors je me suis dit, allez, je vais faire un petit mail là tout de suite, pendant que j'écris, pour lui demander de revenir au relevé papier, histoire d'entretenir ce lien convivial. Mais c'était trop tard. Son nom n'est même pas apparu sur le mail automatique de mon espace privé. L'unique destinataire, c'est désormais votre agence. Donc je soupçonne ma banque, dont je tairai le nom, d'avoir glissé, sans me le demander, à une relation banque en ligne, bien sûr pour me faire gagner du temps et bien sûr sans baisser les prix de ses services. Alors bon, j'attends toujours des nouvelles de ma conseillère qui est une femme adorable. Exiger la relation quitte à perdre du temps, quitte à ce qu'elle soit conflictuelle, c'est aussi un moyen à long terme de préserver l'emploi de tous. Isabelle se rente, et pour prendre du temps, quoi de mieux que la musique ? Minuit sur France Inter à 17h32, c'est ça aussi la magie. Avec Roule, vous êtes avec Kayron et toute la bande d'Annule Tout, à suivre Guillaume Meurice et Thomas VDB et Frédéric Fromet. Caressera ta peau, roule dans la brume rouge. Il est 17h35 et sachez que vendredi prochain, le 1er juillet, pour la dernière de la saison, nous serons en direct et en public du studio 105 à la Maison de la Radio avec toute la bande des chroniqueurs de l'émission au complet. Mais où est-ce qu'on peut réserver ? J'aimerais une place, moi, Charline. Eh bien, vous pouvez réserver vos places sur le site maisondelaradio.fr. C'est formidable. C'est bien. La vie est tellement bien faite. Kairon est avec nous. Et je lui suis très reconnaissante de bien vouloir rester. Et on va écouter Guillaume Meurice tout de suite. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire salam alaikum aujourd'hui, puisque c'est la seule chose que je sais dire en arabe, puisque je suis français, madame, et qu'à ce titre et en respect de la tradition de notre beau pays, je suis une grosse brêle en langues étrangères. Mais malheureusement, c'est une tradition qui pourrait bien se perdre à cause de Najat Vallaud-Belkacem. Elle a proposé l'apprentissage de notions de langues étrangères dès le CP. Alors, il peut s'agir de l'anglais, de l'allemand, du portugais par exemple, mais également de bien pire, de l'arabe. Rassurez-vous, deux parlementaires du groupe Les Républicains sont là pour vous protéger contre cette invasion linguistique. Hervé Mariton, alors qui est possiblement le futur président de la République, oui, hein, je vous rappelle qu'il est candidat, et en cas de second tour face à un ficus, les sondages le donnent gagnant, hein, de peu, mais gagnant quand même. Alors il a lancé une pétition sans équivoque, hein, Hervé, qui s'appelle Non à l'enseignement de l'arabe à l'école primaire. Ah, voilà, ça c'est clair. Alors j'ai appelé Hervé et on a parlé langues étrangères. J'adore les langues étrangères. Je crois que je suis repéré comme un député qui parle bien l'anglais. C'est vrai. Ah oui. J'ai publié une vidéo pour encourager au Remain dans le cadre du vote sur le Brexit. Ouais, alors les langues étrangères, ok. Par contre, les pronostics, a priori, c'est moins son truc. Hervé, ouais. Hein, pour tout ce qui est championnat du monde des bookmakers, c'est pas gagné. C'est quand même fou de se dire que les Anglais n'écoutent pas Hervé Mariton. Ouais. Hein. On est peu de choses. Mais bon, poursuivons avec Hervé. Je suis moi-même l'exemple d'un apprentissage, excusez-moi de le dire, plutôt réussi de l'apprentissage des langues. Voilà, alors c'est foutu pour tout ce qui est championnat du monde de modestie également. Continuons quand même. Le russe que j'ai. Alors attendez, parce que moi je comprends pas, si ça se trouve vous m'avez insulté. Non, je ne me serais pas permis, monsieur, vous ne me connaissez pas assez, ce n'est pas dans mon style. Non, parce que le style d'Hervé, ce n'est pas d'insulter, mais plutôt de partir en croisade. En croisade, donc, contre cet enseignement de l'arabe à l'école, mais uniquement celui-là. C'est-à-dire que les autres langues ne sont pas concernées du tout par sa pétition. Alors, a priori, je ne suis pas le premier à lui faire la remarque. Qu'a-t-il répondu aux autres ? Je leur ai répondu que mon propos concernait aussi d'autres langues, je vous le dis. Ah bah alors il faut changer le titre de votre pétition, parce que il n'y a que l'arabe pour l'instant. Parce que le sujet, qui est le sujet principalement posé, c'est celui de l'arabe. Il y a peu d'enseignements de serbo-croate au primaire en France, et que par ailleurs... Portugais, il y en a par exemple. Mais ma remarque s'adresserait de la même manière au risque communautaire. Ah oui, vous n'avez pas fait de pétition là. Eh bien, vous avez qu'à la lancer pour moi, vous savez, je ne sais pas tout faire en même temps. Ah, mais c'est ça. Ah oui, c'est une question de planning, en fait, hein, c'est tout bête. Il a dû faire par ordre alphabétique, puis c'est arabe, voilà, c'était en premier, et après, il n'a pas eu le temps. Ah, il devait faire une vidéo pour influencer le vote de la présidentielle américaine, hein, on sait qu'il est très, très influent, hein, là-bas. Alors bon, je ne voulais pas lui faire perdre son temps. J'ai contacté donc la deuxième personne très remontée contre cette mesure, c'est Annie Genevard. Elle est députée du Doubs. Elle pense que ces notions d'arabe apprises à l'école sont synonymes de quoi ? Le repli sur soit le repli sur la communauté d'origine et parfois même sont le vecteur de eh bien d'un enseignement religieux, ce qui n'est pas la vocation de l'école publique. Mais alors c'est la même chose pour le portugais par exemple ? Non, parce que les portugais sont très catholiques. Alors, non, mais c'est pas la question d'être catholique ou musulman. Bah, c'est vous qui avez parlé de religion, c'est pour ça. On a l'impression que c'est un peu... le choix a été fait pour dire, bon, il n'y a pas que l'arabe qui est concerné, il y a aussi le portugais. Ah, il y aurait donc là une habile manœuvre politique. Ce fourbe de portugais serait là uniquement pour cautionner l'arabe. L'opération Tagine à la morue est donc démasquée. Bien joué, Annie. Car Annie, elle pense que l'enseignement du portugais, ça pose quand même moins de problèmes que celui de l'arabe. Si vous voulez, en termes de repli communautaire, on a quelque chose qui est quand même moins avéré avec la communauté portugaise que ne le sont les communautés de langue arabe. Donc moi, je plaide... Ah, moi, je connais des portugais radicaux, hein. Écoutez, ça existe sans doute, mais... Ils n'ont que du carrelage chez eux. Il y a même des Français, hein, qui n'ont que du carrelage chez eux. Mon Dieu, quelle horreur ! Le grand remplacement portugais aurait déjà commencé. C'est un remplacement qui commence par le revêtement des sols et des murs. Tremble, vieille France ! Allez, concluons avec Hervé Mariton, à qui j'ai fait donc du coup une proposition pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Il vous suffit juste de rajouter les autres langues sur votre pétition, parce que sinon, c'est pas très complet. Je vais passer mon temps à faire des pétitions sur les mêmes sujets ou sur des sujets annexe. Mais non, mais sinon, on a un peu l'impression que vous essayez de récupérer les voix du Front National. Mais vous me connaissez suffisamment de finesse pour savoir que l'impression ne peut pas s'arrêter là. Mais oui, Hervé, la finesse légendaire d'Hervé Mariton et de toute la mouvance de la droite, hein, qui surfe sur le discours du Front National, tel un mélange de Kelly Slater et de Bruno Gollnisch. Mais bon, on ne désespère pas d'un monde un peu plus ouvert sur les autres cultures, Inch'Allah. Guillaume Meurice, et on dit à toute la France, vous pouvez vous reposer, il ne vous appellera pas ce week-end. Samedi et dimanche, il se relâche. On salue la députée des Républicains qui nous écoute. Ah, et qui vous a répondu et quand même. Et qui m'a répondu quand même. Alors voilà, c'est sport. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Kayron, que vous pouvez voir dans 60 minutes avec Kayron, c'est au théâtre Le République jusqu'au 2 août, voire éventuellement au-delà jusqu'à non, ce fin que... fin août. Ah oui, fin août carrément. Ah oui, très bien. Bah, j'ajoute, après, derrière le 2, j'ajoute un 7, je vous souhaite déjà d'aller jusqu'au 27 et puis on verra. À suivre, Thomas VDB, la jury Isabelle Sorrent et bien sûr Alex Vizorek. Oui, il est là, il ne bouge pas. Vous êtes au taquet sur le sujet 2, Alex. Alors là, je peux vous dire, c'est ma spécialité, rappelez-moi le sujet 2. Attention, eh bien, on peut compter sur l'Assemblée nationale pour défendre la santé des citoyens. Ah bah oui. Ouais. Les députés viennent de renoncer à taxer l'huile de palme. Ah oui, ça on peut aussi compter sur l'Assemblée pour défendre les abeilles. Vous me suivez? Mmh. Ouais. Le problème avec les députés, c'est qu'ils ont peur des guêpes et qu'ils les confondent avec les abeilles. Écoutez. Ne bougez surtout pas. Comment? Je suis allergique, ne bougez pas. Bien. Si elle me pique, je meurs. Oh. Puisque je vous le dis, en vacances, une fois, j'étais piqué. Une semaine d'hôpital, failli crever. Je gonfle, puis je me mets étouffé. On va attendre combien de temps comme ça? Je sais pas. Ça dépend pas de moi. Bougez pas. Faut pas la folie, je vous dis. Elle est comment là? Elle est affolée? Non, pas du tout, elle est très calme. J'ai l'impression qu'elle s'est assoupie. Et rien, si elle fait sa nuit. Faites pas rire. Si vrai, c'est foutu. On la revoit cette scène avec Pierre Richard et Gérard Depardieu dans La Chèvre. Le projet de loi sur la biodiversité est donc en débat à l'Assemblée. Les députés renoncent à taxer davantage l'huile de palme. Ça fait sursauter Alex Vizorek. Est-ce que vous, Kayron, ça vous fait un peu sursauter? Ouais, j'aime pas jouer la posture du mec engagé, mais c'est vrai que quand un lobby gagne face au peuple, c'est toujours énervant pour tout le monde, je pense. On se sent impuissant, il n'y a rien de pire que l'impuissance. Est-ce que vous mangez du Nutella? Non. Bien, bonne réponse. Par conviction ou bien parce que ça vous plaît pas? Non, parce que je sens que c'est de la merde en fait. Je sens que ça se voit. Oui, ça se voit et on sent et tout a l'air néfaste à l'intérieur et je peux pas infliger ça à mon corps. Attention, Ségolène Royal a dû s'excuser d'avoir dit ça. Bah ouais, voilà. Ouais. C'est de l'humour. C'est vraiment de la merde. Oui, mais dites que c'est de l'humour parce que sinon vous allez avoir des emmerdes. C'est moi qui vous le dis. Pense. C'est vraiment de la merde. Dites tout ce que c'est de la merde comme ça on sera tous embêtés. Oui, c'est de la merde. C'est de la merde. Et vive les orang-outans. Donc vous en voulez un petit peu, j'imagine, à ceux qui nous représentent. Ils ont aussi interdit les pesticides tueurs d'abeilles, mais en 2018 et avec des dérogations jusqu'en 2020. Non, mais je voulais dire par rapport sur la cigarette, on est tous d'accord que c'est pas bien. Alors on met quand même des images et on prévient. Sur le Nutella, on met même pas ça. On met des petits enfants en bonne santé. Et donc au minimum, ce soit à la hauteur de la cigarette. On met une photo de Pierre Ménès peut-être sur les pots de Nutella en disant attention. On propose ouais, éventuellement. C'est des raccords. Je propose qu'on boive un coup là-dessus. Il y a un extrait d'un article dans Libération qui explique aussi que, par exemple, le lobbying de l'Indonésie s'est aussi montré payant à l'Assemblée nationale. Je cite Libé, hein, son ambassadeur en France s'est démené pour tenter d'éviter une taxation de l'huile de palme. Et les lobbies, c'est aussi... la pression, c'est aussi les possibles annulations d'achat d'Airbus ou de satellites. Et où on en est? Et alors, sans parler, alors là je cite une députée Europe Écologie Les Verts, sans parler de pressions plus indirectes selon lesquelles des Français en Indonésie pourraient se retrouver en difficulté. Et je vous donne en mille, la députée qui dit ça s'appelle Laurence Abeille. C'est une prise d'otage. Bon, ouais. Ouais. C'est le nom, ça s'appelle une prise d'otage en fait. Bon, c'est pas légal. Voilà. Donc à partir de là, bon. Vous sembliez la connaître. Oui, Laurence Abeille, bah oui, elle est connue pour ça justement, pour porter le nom de la cause bien, pour laquelle elle milite, les abeilles. Parce que Guillaume Meurice connaît déjà c'est comme Marion Maréchal qui porte le nom Isabelle de la cause pour laquelle elle milite. Oui, oh, bah, réaction, en fait, on sait tous que les abeilles, si elles disparaissent, on a, je crois, 50 ans après pour vivre. Hein. C'est vraiment la clé de l'écosystème. Mm. Et je me dis, c'est curieux quand même que les que nos amis de l'Assemblée nationale, ils pensent pas un tout petit peu, quoi. Mmh. Bon. Ah non, non, alors ça, non. Ça, non. C'est non, curieux pour vous, Isabelle. Oui, oui. Non, moi, non. Je suis encore une grande naïve, ah, oui, hein, Guillaume. D'accord. Guillaume va vous emmener. Ouais, ouais, c'est normal. Vous voilà. Croyez encore un peu à la politique, Kairon, pas, pour pas certaines à ce niveau-là. Choses. Je crois à la politique locale. Ouais. Mais je pense que quand on fait partie d'un parti où qu'on accède à ces fonctions-là, il y a tellement d'intérêts personnels et de lobbies et de banques que on fait partie d'un système et qu'on est plus libre de faire ce qu'on veut et qu'on se condamne à partir de ce moment-là, en fait. Kairon est avec nous et à ses côtés, il y a celui qui partagera l'affiche du festival Hamac Festival du 30 juin au 3 juillet. voilà, il fait un petit jingle en je tout ça. Je trouve un peu avant, je fais tout ça. Et hein. Il s'appelle Thomas VDB. Tout le monde chante pour l'actualisique. Everybody sings at the Kululu. Tout le monde se marre pour l'actualisique. Qu'une chanson de Bézu pour l'actualisique nu. Voilà, je pense que c'est important de le préciser, évidemment. Alors, par contre, changement subi de sujet tout de suite. Il y a un truc qui est bien, moi, c'est une petite astuce que je donne à nos auditeurs. Ouais. Quand on s'ennuie et qu'on ne sait pas quoi faire de ses journées, qu'on trouve que la vie est un peu fade, c'est de taper Kanye West dans Google Actualité. Et là, c'est toujours l'assurance d'avoir des nouvelles assez insolites sur un des artistes les plus toqués de l'époque. Alors, je rappelle qui est Kanye West. Kanye West, c'est un rappeur américain. 20 millions de disques vendus à travers le monde. 198 points au Scrabble. Si on arrive à le placer sur mot compte triple. Mais Kanye West est aussi une personnalité qui prend de la place. Ses fans savent que c'est le gars le plus prétentieux du monde. Le gars est vraiment fou d'amour pour lui-même. Il est vraiment le gros béguin pour sa propre personne. Grosso modo, son état d'esprit quand il sort un disque à chaque fois, c'est de se dire « Non mais les gars qui vont écouter ça, le bol qu'ils ont mais franchement, comment c'est bien ce que je fais ? Non mais j'hallucine !» Vraiment, le gars le pense vraiment. Il n'en revient pas de son propre génie. Alors c'est vrai qu'il fait des disques très bien, Kanye West. Moi franchement, il y a des trucs de lui que je trouve vraiment excellents. Par contre, proportionnellement à ce que lui pense que c'est, je trouve ça complètement nul à chier. Ah voilà, Kanye West c'est super, mais comparé à ce que lui pense que c'est vraiment sans intérêt. C'est donc un des rappeurs qui a le plus de succès dans le monde. Et tout récemment, eh ben, on a appris que Kanye West est ruiné. Aïe. Voilà, il s'est endetté de 53 millions de dollars. Alors c'est vrai qu'il vit un petit peu au-dessus de ses moyens. Il aime l'argent, hein, il aime le luxe, Kanye West. Je crois qu'à Levallois-Perret, on l'appelle Patrick Balkanye West, d'ailleurs. Voilà, il aime tout ça, il aime l'argent, il aime les maisons très chères. Il a toujours des habits très chers. C'est vrai que tu regardes Kanye West, il est toujours habillé à la dernière mode. Mais la dernière mode de dans 10 ans. Voilà, avec lui, c'est quasiment tous les jours Mardi Gras. Et donc Kanye West le dit lui-même, il est ruiné, même si j'ai l'impression que même ruiné, il continuera d'être 100 fois plus riche que moi. Parce que c'est un truc que je ne comprends pas avec tous ces gars comme Kanye West ou Bernard Tapie qui se disent « ruinés !» Et à chaque fois que tu les vois à la télé ou dans les journaux, ils sortent d'une limousine avec trois gardes du corps. Je me dis « mais comment ils se payent ça les gars ?» Normalement, c'est pas ce que j'appelle pas ça ruiné. Hein. Normalement, Kanye West, je suis désolé, mais si tu es vraiment ruiné et que tu dois 53 millions de dollars, eh ben tu fais comme tout le monde, tu te débrouilles pour rendre l'argent. Et si tu veux pas, eh bien tu deviens clochard et puis c'est tout. Ah voilà, il est ruiné, mais il faut se dire que Kanye West, sa femme lui coûte très cher. Ça, c'est vrai que je rappelle que sa femme, c'est Kim Kardashian, dont on parle assez peu sur les antennes de France Inter et France Culture. Et c'est vrai que quand on voit Kim Kardashian, c'est qu'elle aussi, elle aime l'argent. D'ailleurs, quand on voit des photos de Kanye West avec sa femme Kim Kardashian, c'est fou parce que quand il se promène avec elle, t'as un peu l'impression que pour lui, c'est un peu comme un accessoire de mode. C'est un peu comme s'il avait un manteau tout neuf. Il a comment elle me va bien, ma femme ? Franchement, mais elle me va comme un gant, franchement. Et vraiment, il est content. Alors, comme il est ruiné, Kanye, ben, il a eu une bonne idée. Il a décidé de demander à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, de le dépanner d'un peu d'argent en disant « Non mais tu aimes ma musique, je sais que tu aimes ma musique, tu aimes mon art. Est-ce que, de façon à ce que je puisse continuer d'offrir mes belles idées au monde, s'il te plaît, franchement s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner $1 milliard ?» Tout simplement, voilà, c'est une bonne façon de faire, évidemment, de demander comme ça $1 million. Et c'est une belle leçon que nous donne Kanye West, c'est que quand on demande de l'argent, bien souligner que c'est pour faire des choses bien avec. C'est vrai que tu peux aller voir ton banquier, tu lui dis « Je sais que c'est pas évident que vous me donniez $1 million pour ma maison. » Mais je tenais à ce que vous sachiez que je veux tout refaire avec du très très beau lambris. Et là, évidemment, ça marche tout de suite. Donc la solution pour Kanye West, s'il veut financer son nouveau disque, c'est de faire comme tout le monde, faire un appel au crowdfunding. Bon courage Kanye. Thomas VDB, que vous pourrez voir à la soirée de clôture à l'Olympia du Hamac Festival. Ce sera le 3 juillet avec vous. Kayron dans le public ce soir. Ah, vous serez dans le public ce soir là, ouais. Parce que Kayron, vous, ce sera dans un lycée. Ouais. En tout cas, du 30 Jacques juin. Delcourt. Ah voilà, dans le 9e arrondissement de Paris, c'est là, ça. Le 3 juillet, il y aura Monsieur Poulpe, il y aura Pierre-Emmanuel Barré. J'en oublie, mais on sera assez nombreux aussi. Ouais. Très bien. Mais, oh, je vous renvoie vers le site hein, du Hamac Festival, c'est à Paris. Mais tous ces artistes, vous pourrez les voir après dans toute la oui, France. Oui, on a nos spectacles respectifs solo, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et prochaine à Limoges. Le dernier sujet avec vous, quand on fait du rap dans sa chambre à Coulommiers, il paraît qu'on peut espérer atterrir dans un studio à Los Angeles. C'est ce que nous explique un reportage de Society. Bon, après, le magazine prend pour exemple Coulommiers. On aurait pu prendre une bourgade du Nord aussi. Hein. Elle est à Boussole, c'est le même combat. Sauf qu'à Boussole, on parle français et ici pas. Je t'ai dit, on veut leur façon gangsta. Je mets pas mon clignotant, surtout quand je vais tout droit. Yo, hein. Maintenant, tout le monde se pousse, place à Tuchan Furious. Maintenant, tout le monde se pousse, place à Tuchan Furious. Rrrr, de bâtard. Ça vous dit quelque chose, Kayron ? J'ai pas reconnu l'extrait, là. Ah, c'est un grand rappeur américain. C'est dans les Tuches. Ah, oui, d'accord, ok. Voilà, okay. Alors, donc, on peut lire cet article dans Society, qui paraît ce matin, ce qui s'appelle Le Monde ou Rien, et qui explique qu'il y a des Français qui font du rap dans leur chambre, ou du son, du moins, que ce soit à Coulommiers ou ailleurs, et puis qu'il atterrissent certains à Los Angeles ou Hollywood. Par exemple, Sofly vit à Hollywood, il a démarré à Pont-au-Coubon, en Seine-et-Marne. Redis-le, tu dis tellement bien, redis-le une fois. C'est vrai que le mot. Hein, redis-le 13 fois. Ponto-Combo. C'est ça, Ponto-Combo. Est-ce qu'il y a un vol Ponto-Combo Hollywood? Ça, je sais pas. Peut-être ça passe par Bannière de Luchon. Mais... et il travaille aujourd'hui avec Justin Bieber ou Enrique Iglesias. Alors, dans le milieu du rap, en tout cas, Internet semble rapprocher les continents, l'Europe, l'Amérique. Il y a des petits Français donc, qui collaborent avec des grands noms du rap américain. Ça veut dire que dans ce milieu-là, on croit encore au rêve américain. C'est vraiment le top. Bah, on rêve de alors ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément dans le rap, que c'est un peu dans tous les domaines. Mm-hmm. C'est vraiment le plus grand intérêt d'Internet, je pense, c'est d'enlever les intermédiaires, en fait. Il n'y a plus de barrières. Et aujourd'hui, on voit avec les youtubeurs, on voit avec des gens qui ont commencé sur le net, même des chanteurs, on voit que mettre son travail et le faire partager, et que s'il y a suffisamment de gens qui y adhèrent, et ben les gros peuvent s'intéresser à nous. Et je trouve que je suis très content pour ces gens-là. Je trouve ça magnifique. Enfin, là aujourd'hui, les intermédiaires, c'est quand même YouTube, Google ou Apple. Oui, mais ils sont accessibles à tout le monde. Mm. C'est pas comme avant, il y avait 5 patrons de maisons de disques, il fallait les connaître. Et pour les connaître, il fallait que quelqu'un te valide. Mm. Et tu pouvais avoir les meilleurs morceaux de la terre chez toi. Si eux les écoutaient pas, tu sortais jamais en fait. Ouais, ouais. Là, tu les mets, et si ton entourage et l'entourage de ton entourage décident que c'est bien, et ben eux en entendent parler, ils se disent ah, il y a un marché à prendre. Ce qui encourage à travailler. Ouais. Pour pouvoir mettre quelque chose sur le net et essayer de se faire repérer. Mais vous êtes d'une génération qui a utilisé les réseaux et vous, en tant que tel, vous ne l'avez pas tellement utilisé. Non, moi je suis très mauvais en informatique. J'ai appris à envoyer un mail il y a 2-3 ans. Vraiment. C'est chouette, hein. Je suis très mauvais et j'ai des vraies lacunes à ce niveau-là. Mais j'aurais pu. Mais je suis pas. C'est une vraie compétence, une déficience mentale. Qu'est-ce que ces artistes français peuvent éventuellement apporter aux Américains? On a l'impression que les Américains, c'est toujours les plus forts, surtout dans ces domaines musicaux. C'est ce qu'ils nous font croire. Ce qu'ils nous font croire, c'est pas vrai. On a autant de qualité. Je vous dis un truc, quand j'ai fait mon film, j'ai appris que les meilleurs en effets spéciaux aux États-Unis étaient des Français. Ils sortent d'école en France et ils vont directement parce que... Ou les films d'animation, on en a parlé vendredi dernier parce que Annecy, avec l'école des Gobelins. Exactement, entre aller bosser sur Avatar ou enlever des câbles électriques ou des avions sur des films d'époque en France, les mecs ont fait le choix très vite. Mais les meilleurs sont français. En musique, il y a tellement de qualité en France et même dans le reste du monde, sauf que là-bas, c'est la colonisation qui fait qu'on parle anglais dans beaucoup de pays, donc du coup, pour avoir un marché mondial, il faut passer par l'anglais et souvent par les États-Unis. Mm-hmm. Mais il y a énormément de qualité en France, sincèrement. Kayron est donc avec nous, il fait plein de choses, hein. Il y a la scène, il y a réalisation de films et il y a le rap aussi. Et donc le rap, vous avez commencé après le stand-up? En fait, en vrai, c'est mon kiff, c'est quand j'avais 15 ans, je faisais du rap avec mes potes et je voulais sortir un disque. Et du coup, je voulais pas le faire en parallèle de ma carrière, je voulais pas qu'on pense que c'est un rap marrant. Et j'ai sorti un petit truc un peu discrètement, mais comme la promo aurait dû se faire pendant le film, on m'a fait comprendre qu'entre un disque à 30 000 euros et un film à 8 millions, je vais faire un choix très vite. Ce qui s'appelle un EP que vous avez exactement. Sorti, et lui, il a aussi un disque. Ah bah, attention, notre rappeur à nous est derrière vous, et il rappe extrêmement bien le Gruyère, enchanté. Et il chante d'excellentes chansons. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter? Bonsoir, en suivant un cheminement qui m'échappe encore, j'ai fait appel à un chanteur mort, pour évoquer la disparition de l'Angleterre. rosbif, mon rosbif, lorsque tu décides dans l'isoloir de nous dire adieu. Rosbif, mon rosbif, moi je positive, tu peux garder ta bouffe dégueu, ta viande bouillie, tes tasses d'eau chaude, tes œufs frits, tes tranches de bacon, ton pudding, shit in the kitchen, ta maladie de Creutzfeldt-Jacob. Oh my god, rosbif, mon rosbif, lorsque tu décides en plein euro de jouer le hors-jeu. Rosbif, mon rosbif, moi je positive, parce que souvent tu fais mal aux yeux, tous ces rouquins qui portent des jupes, toutes ces rouquines et leurs fringues de récup. C'est comme la reine, je comprends pas ses chapeaux, on la foutrait dans un champ, elle ferait peur aux oiseaux. Rosbif, mon rosbif, lorsque tu décides de rester seul comme un petit vieux. Rosbif, mon rosbif, moi je positive, car pour compter ce n'est pas mieux. T'es Fahrenheit, t'es Pons et t'es Miles, pour les nuls en maths, ça c'est dégueulasse. C'est comme ce mot qui est de Raffarin, c'est pas classe. Win the yes, need the no to win against the no. Rosbif, mon rosbif, lorsque tu décides d'écouter la voix des affreux. Rosbif, mon rosbif, moi je positive, de toute façon tu fais ce que tu pleux. Chez toi de seul, c'est seulement un journal, alors tu bois pour oublier, c'est normal, en écoutant de la musique en anglais. Laisse tomber les Beatles, ça marchera jamais. Rosbif, mon rosbif, pardon je te taquine, qu'est-ce qui t'a pris de nous dire non? Rosbif, mon rosbif, mon petit Mr Bean, pourquoi t'as pas écouté Arnaud? Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. C'est quand même incroyable que l'homme qui est gaulé comme une cuisse de grenouille se moque des rosbif. Frédéric, on retrouvera vendredi prochain. Frédéric qui a fait rimer Miles avec dégueulasse. Et là, j'ai envie de vous dire chapeau, mon grand. Il a dit kitchen, on peut le dire aussi. Il tord un petit peu les choses. Frédéric, vous serez avec nous hein, vendredi prochain en direct en public du studio 105 avec toute la bande réservée sur maisondelaradio.fr. Et puis, allez voir aussi, tiens, Kayron, votre spectacle 60 minutes avec Kayron, c'est au théâtre Le République jusqu'à la fin août, et on peut vous voir aussi au Hamac Festival qui se tient du 30 juin au 3 juillet, c'est à Paris. Et en tout cas le 3 juillet il y a aussi une soirée de clôture à l'Olympia avec Thomas VDB qui participe à la soirée. Oh là là, merci Kayron d'avoir merci passé ce moment avec nous, merci à tous autour de la table, merci Isabelle Sorand, Thomas VDB, merci Guillaume Meurice et Alex Vizorek. Si vous êtes à Lille, je suis au Spotlight à 21h, je file. Ah, voilà, allez, vous courez à Lille. Le mot de la fin aux Français qui n'en passent pas moins des Anglais. Regardez-les, regardez-les, ils foutent le camp, ils nous laissent tomber. Oh ben, j'aurais jamais cru ça d'eux. Comme vous avez vu, hein, bah c'est ça les Anglais. Vous avez une nurse anglaise.